ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب. Et donc là, il revient à quoi à la fin du hadith? Qu'il y a dans le corps un bout de chair qui, si jamais il est vertueux, le reste du corps le saura. Et si jamais il est perverti, le reste du corps le saura et c'est le cœur. C'est-à-dire que le cœur gère le corps. Si ton cœur il est malade, ça va se voir sur tes actes. Comme celui justement qui n'a pas de wara. Il cherche les choses ambiguës. Car dans son cœur, à la base, ça commence d'où? Fi qalbi, comme dans le verset. Amana fi qulubihim zayya. Dans leur cœur, ils ont une déviance. Ils cherchent quoi? Les versets équivoques. Ils cherchent comme ça. Trouver une fatwa qui le correspond, ou un qul qui confirme sa bid'a. Ils cherchent. Quitte à, comme on dit, à remuer les terres. Comme ceux qui font, qui trouvent des fatwas pour te dire que le voile, c'est pas obligatoire. Que dans le Coran, il n'y a pas de verset qui parle du voile, comme on l'entend. Que on peut souhaiter la fête aux koufars, que ce sont nos frères. Ils vont chercher des choses. À la base, c'est quoi leur problème? Ah, d'accord. Donc le reste, les paroles à suivre. Qu'est-ce qu'il va dire ces paroles? Il va dire des mensonges. Il va faire quoi avec ses actes? Il va faire du haram. Car à la base, son cœur, il est malade. Son cœur, il est malade. « Wa hadha radd ala man yaqul » C'est quoi, c'est dans le cœur? On dit « Naam, awwalan » Mais tes actes vont, comment dire, dévoiler une partie de ton cœur. Car le kouloub, on ne les connaît pas, nous, ce qu'il y a dedans. Allah faqat ya'lam ma fi kouloub. Lakin, tes actes sont comme, on va dire, des soldats qui te montrent, mathalan, le plan du général. Le général, il a fait un plan avec les soldats. Pour telle stratégie militaire. Comment tu vas connaître le plan? Le général, il a caché le plan. À travers les actes des soldats. Eh ben, tes membres suivent les ordres de ton cœur. Même les ordres de ton cœur. Donc, quand les gens disent c'est dans le cœur, je dis non, mais des pieds à la tête est dans le haram. Comment tu me dis ce qui est dans mon cœur, ce qui compte? Dit, tes membres montrent que ton cœur il est malade. Maintenant, il se peut que, comme a dit le hadith Ibn Mas'ud, qu'au final, ils sont parmi les gens du paradis. Mais là, on parle maintenant devant nous, là. On a quelqu'un qui écoute de la musique. Je lui dis, ah, rien de haram. Il dit, là, vous en faites rien, mon cœur il est propre. Donc, ton cœur il serait propre, tu n'écouterais pas de musique. Et, hab, anou, nazif, fahadal, adil, arani, c'est tout aussi recalbac. Au pire, si ton cœur est vraiment propre, cette musique, elle va servir ton cœur par la suite. Donc, arrête. Tu vois des gens avec des coupes de cheveux, à Kaza, avec un maillot écrit dessus, Fulen, ou un t-shirt écrit le nom de rappeur Intel, ou de l'acteur Intel. On dit, Akhi, je fais. Ada haram. Il dit, là, je juge pas, c'est mon cœur qui me juge. Il dit, Akhi, t'aimes Intel, sinon tu porterais pas ce nom sur toi. Tu vois? Il dit, tu vas mettre demain un maillot écrit Hitler dessus. Il dit, non. Mais pourquoi t'as un maillot écrit dessus, MC Fulen? C'est que, même si tu l'aimes pas trop, au pire, en tout cas, tu le détestes pas. Au minimum. Et c'est un kafir ou c'est un fasir. Comment tu portes son nom? Il dit, non, ce qu'il y a, c'est dans mon cœur en premier lieu. Il dit, ouais, Adel Hadith, il dit, Salaha, Salaha, Jasad Kullo. Donc attention, ces gens qui disent, ce qui compte, c'est dans le cœur. On dit, non, ce qui compte, c'est dans le cœur, mais ton cœur va faire apparaître son contenu à travers tes actes. Déjà, fait le Hadith, Adel Hadith Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah, l'enzuru li suwarikum, li suwarikum wa li ashtamikum, lakin yanzuru li kulubikum, wa fi riwaya, li a'malikum. Que Allah ne regarde pas votre apparence. Ni vos corps. Donc ils vont prendre ces hadiths-là. Ils regardent ce qu'il y a dans vos cœurs. On dit, non, hadith, c'est quoi l'autre version? Et vos œuvres. Ils regardent vos actes. Et vos actes, ils viennent d'où? Du cœur. Donc si quelqu'un te dit dans le cœur, on dit, non, mais ton cœur va montrer ce qu'il contient par tes actes. Et tes actes, là, actuellement, ils montrent que ton cœur, il n'est pas correct. Du moins, il est malade. Peut-être même qu'il est mort, c'est un kafir. Par tes paroles, et par tes actes. Et par tes fréquentations. Kullu hada. Yati, mabda'uhu, al-qalb. Donc le hadith revient à ça. Que les gens qui ont un cœur malade, les choses ambiguës vont les chercher. Pour avoir ce qu'ils veulent. Hada bin ittiba al-hawa. Suivi des passions. Et après, ils s'en passent des choses haram, bid'a, hata ridda. Hata ridda, wa li'azubillah. Hada ou.